mal à la gorge, elle a de la fièvre et elle tousse. Je la console avec un sucre d'orge, puis je la mets au chaud dans sa housse. Ma guitare n'est jamais malade et a toujours une voix douce. Mais là, sa voix est rauque comme un chanteur de hard rock. Attention à vous, ça pousse. Mais qu'est-ce que tu fais, guitare? Non, non, reste au chaud dans ta housse. Oh! La la la. D'Ecolalie, oui, c'est votre conscience qui parle. Oh là là. Pensez-vous qu'il soit raisonnable de mettre des guitares électriques sur un disque pour enfants? Allons. Oui, pardon, on s'est laissé un petit peu aller, mais c'est la première fois. Hein. Bien. Excusez-nous. Exceptionnellement, ouais. Ça passe pour cette fois. Ah, merci. Mais n'en abusez pas, hein. Ok. Allons-y. La, la, la.